Bonjour amis lions, alors on va regarder quel est le tirage de l'oracle de Béline pour le mois d'avril 2023, mais on va se consacrer sur vos amours cette fois-ci. Alors que nous conseille ou que va nous faire ressortir comme message l'oracle de Béline pour les lions avril 2023? Oh, alors apparemment, votre union est solide, elle est durable, pour le moment, elle est stable. Vous avez chacun la sagesse, la maturité pour garder un bel équilibre dans votre relation, mais on va voir ce que le tirage nous dit, parce que parfois, la coupe donne une coloration au tirage, mais ne fait pas tout. Amour, amour, lion, avril 2023, on y va. Oui, donc, ah voilà. En fait, ce que cela dit, c'est que, en ce moment, on revient à la coupe, votre relation est solide et vous avez chacun la possibilité de faire appel à votre maturité. Et cela est bien parce que vous pourriez être un peu secoué par une nouvelle. Qui concerne apparemment les finances. Et donc c'est vrai que concernant vos finances, concernant un projet commun des finances communes, eh bien il pourrait y avoir une fâcherie. Mais malgré tout, on a la réussite qui rayonne sur le jeu et qui nous indique que, étant donné que vous êtes dans une période où vous n'êtes pas dans la passion, le déchirement, etc., vous pouvez facilement faire appel à votre sagesse intérieure, l'un et l'autre, pour ne pas exagérer, je dirais, ce problème financier. Alors donc encore une fois, on vous conseille quoi? Bien de discuter, d'échanger, bien sûr, dans le calme, dans la pondération afin de vous extirper de ce souci. Et puis voilà, donc pour les célibataires, eh bien je dirais que c'est pas trop la bonne période avril pour une rencontre parce que vous allez être assez accaparé par d'autres secteurs de vie, notamment le secteur pratique financier. Donc patience. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes ondes pour le. Je vous envoie plein de bonnes ondes pour ce mois d'avril. À bientôt.